بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان يوم الدين. أما بعد، أولا أسأل عن الكلمة، ما معنى رأى يرى؟ مكتب البريد، صندوق البريد، البريد المسجل، والمسجل على باز ما معنى مسجل؟ لبس يلبس، البريد العادي، أضمن، برقية، تليغرام، أسرة، فامي، هيا، علي، يعني. نعم، أرسل يرسل، هنا، ici، معا، ensemble، الطريق، chemin. عندك، ils veulent envoyer une lettre. كيف تقول؟ ils veulent envoyer une lettre. يريدون. نعم. يريدون أن يرسلوا. نعم. يرسلوا رسالة. طيب. أن يرسل. نعم. يرسل. نعم. طيب. وإن النون. أيوة، ما زلنا معك. نريد نريد أن نرسل إن النون يريدون أن يرسلوا. لماذا حذفت النون؟ قطع من النون. يرسلوا بعدين يريدون أن يرسلونا، قطع من النون. نعم. لماذا؟ لأن صحيح فنقول نون. الآن لماذا؟ أحسنت. كلا نون وعليف. طيب. قلنا كم اليوم؟ ثالث؟ ها؟ الثالث؟ طيب. الرابع. الرابع. الثالث فعلناه معا ونفصل. نعم. طيب. الرابع نحول كما في النموذج. نعم صح. تفضل الجملة الأولى. هو يريد أن يحفظ القرآن. نعم. أنتِ. أنتِ تريدين أن تحفظي القرآن. نعم. هما يريدان أن تحفظ. لا. أن يحفظ. نعم. القرآن. رابع. نحن. نحن نريد أن نحفظ القرآن. نعم. خامسا، أنتما تريدان أن تحفظ القرآن. أحسنت. سادس، هن يريدن أن يحفظ يحفظنا القرآن. أحسنت. لماذا ما حذفت النون هنا؟ Quoi t'as pas enlevé le nun? Parce que le nun, là, il revient à elle. C'est un domir. Ouais, c'est un domir. On n'enlève pas. Non. Et le fir, quand il est accroché à un nun niçois, il est même ni. Il ne change pas. Sabian, anta. Anta tulidu, anta hafad al-Qur'an. Thaminan, antunna. Antunna, turidna. أن تحفظنا القرآن. نعم. أنا. أريد أن أحفظ القرآن. طيب. سادسا املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات مناسبة لما يلي. الجملة الأولى. أخي من كراما. يريد الابن أن يرى والده نعم élimination c'est ça ouais. أن يرى والده يرى يغسل le ya à la fin du yara ah il y a c'est un alif non il bouge pas l'enfant ou le fils de voir son père ثانيا يريد العامل أن يلبس ملابسه نعم Le travailleur veut revêtir ses vêtements. Thalithan. Al-barid al-musajjal admanu min al-barid al-adi. Non, le courrier recommandé est plus sûr que le courrier normal. Arabian. Sunduq al-barid qarib min hana. Non, la boîte aux lettres est proche d'ici. Khamisan. Wasallam muwaddaf mas. وصل الموظف إلى المكتب البريد مشيا على الأقدام. نعم، l'employé est arrivé à la poste en marchant sur ses pieds. عندي سؤال. نعم. يعني تلا قلت دي فبوق. C'est pas عندي. C'est عندي. عندي. أنت تو souvent on dit que tu mets une fatha sur le عين. On dirait, c'est l'impression que j'ai. Donc c'est عندي. نعم. Non. Le dot, là. Des fois, moi, j'entends pas dot. J'entends vav. Il ressemble beaucoup, parce que la langue le lève. Là, c'est dans le tajwid, tu vas l'apprendre. Makhraj et zad. Il ressemble au za. Moi, on va pas parler de ça, moi, des langues. Ça, c'est dans le tajwid, tu vas apprendre où placer ta langue. Le makhraj des hurouf, comment les lettres sortent. Tu verras que le zad, quand tu vas bien le prononcer, il ressemble au za. Même quand tu vas entendre les gens parler qui prononcent bien, tu vas voir, il ressemble au za. Il est entre le del et le va. Il ressemble un petit peu au deux. C'est la lettre qui est la plus dure à prononcer. Le del. Non. Il y a peut-être le kaf aussi, pour les gens qui sont au début, et le ayn pour certaines personnes. Par exemple, les anglophones, ils ont du mal avec le ayn. Beaucoup de mal. اقرا طيب اولا اجيب الاسئله الاتيه اين قابل ابراهيم صديقه سليما قابله في الطريق الى مكتب البريد نعم ثانيا لماذا ذهب سليم الى مكتب البريد ذهب اليه لارسل لي نعم لي أرسل لا لي أرسل لا من يرسل من ليرسل رسالة نعم ثالثا لماذا ذهب إبراهيم معه لأنه يريد أن يرسل باقية إلى أسرته نعم رابعا لماذا لم يضع سليم رسالته في صندوق البريد لأنه يريد أن يرسل رسالة بالبريد المسجل نعم أحسنتم ندخل في الوحدة الرابعة ما زلنا في وحدة الرابعة ندخل في الدرس الثاني عشر دوزيام لسون بعنوان في مكتب البريد دون بوست. الكلمات الجديدة المرسل مرسل سي كوا ايوه من اللي بريدو ارسلات اي سي كوا احسنت اسم فعل ارسل يرسل سي لونفويور دونك celui qui envoie la lettre. Et là, ils l'ont pas mis, je crois que c'est dans le texte en plus. Et El Mursal, il est Yi, avec une fatha El Kasra, c'est celui, c'est le destinataire. Celui à qui on envoie. Le Mursalou, il est Yi, c'est le destinataire. Mursil, c'est l'expéditeur. Et le Mursal, il est Yi, c'est le destinataire. Qima, on l'avait déjà pris, ça veut dire quoi? Qima? Qima, c'est la valeur. Non, on peut dire le prix aussi. Isol, c'est un reçu. Un bon, un reçu. Là, dans le texte, hein. Dans d'autres paroles, ça peut avoir d'autres sens. En Arabe, c'est toujours comme ça. En Arabe, c'est toujours comme ça. Tawabi, c'est des timbres. Ça peut dire autre chose aussi, ça. Ah, c'est là-bas, c'est des choses qui n'existaient pas à l'époque. Bah ouais, c'est ça aussi, tu vois. Donc, c'est la langue arabe s'adapte à tous les temps. Elle s'adapte à tous les temps. Je crois que c'est Tawabi, mais je ne suis pas sûr. Shubbak, c'est. Une grille, je crois. C'est la fenêtre, Shubak. Ouais, c'est une petite ouverture avec une fenêtre. Parce que Shabaka, là-bas, c'est un filet ou une chose comme ça. C'est un fil. Un filet. Donc Shubak, ça doit être comme une fenêtre, peut-être recouvert d'un grillage ou un truc comme ça. Shubak, grillage. Pas grillage. Et Andy, c'est une forme de. Peut-être une petite urne ou je sais pas. Une clôture. Là, c'est pas une clôture. Récipient, on va regarder dans le thème. Moujaouir, avoisinant, à côté, en fait. Moujaouir, avoisinant ou à côté. Et Djanib, c'est pareil, c'est pas. Non. Même, mais Djanib, c'est à côté aussi. Tu vas garder un nom, parce que en fait, je vois. Tu vois, lire. Le mot exact, je le trouve. Fenêtre, ils disent fenêtre lucarne. Fenêtre lucarne. Fenêtre? Une petite fenêtre, quoi. Une lucarne. Bon, lucarne, c'est là-bas, c'est les fenêtres des greniers, dans les vieilles maisons. Ouais, donc, c'est ça, plutôt une fenêtre, une baie. Ça, c'est une petite ouverture. Là, dans le texte, par rapport à ce qu'ils veulent dire. Petite ouverture. Je peux mettre Nafisa aussi, comme ça. Nam. Djanib, c'est côté. Côté, ah, le côté en fait. Nam. Djanib, côté. Irsel, envoie. C'est le mazdar de Arsala Yursilu. Irsel, c'est l'envoi. A'la, c'est plus haut. Plus haut, ça reste motordil. De Alin, qui veut dire haut, et A'la, c'est plus haut. Et Fouk, j'entends, c'est froid. C'est au-dessus. Au-dessus, Fouk. Aïsar, c'est l'une des façons de dire à la gauche. Tu peux dire Shimel aussi ou quoi, mais Aïsar, là, c'est la gauche. Et Yamin. Aïsar, en fait, avec le matin. Non. Et Yamin, c'est le contraire. Yusra. J'entends Yassir. Yusra. Yusra. C'est la gauche aussi. Là, c'est masculin, là, c'est féminin. Il y a aussi Shimel. Il y a plusieurs façons de le dire. نعم. يمين لدغت لدى سي معنى عندي عند فاليون ارتكس سابيك ان ضمير ان جنرال معنى عند افوا en fait avec soi sur le moment où on parle comme Marie en fait comme Marie نعم نعم أيضا ça veut dire aussi également Oui, Yersel, on a dit, c'est un envoi, c'est ça, Yersel. Yersel, c'est un envoi. Et les tarakib, nahouya ou sarfiya, ne se voient pas dans le texte directement. Tamam. Al-Hiwar. Salim, ma'a, al-Mouazzaf. Rabbi Hamdillah, yusallim, a dit le morro. C'est bien, Salim. طيب من سليم تمام وانت موظف تفضل السلام عليكم وعليكم السلام لدي رسالة مسجلة أريد إرسالها donc il dit j'ai une lettre recommandée je voudrais l'envoyer ou je voudrais son envoi mais là on va dire je voudrais l'envoyer حتي رسالة اكتبي اسم مرسلي وعنوانه على الجانب الأيسر في الأيسر في الأيسر نعم في الأيسر في في أعلى رسالة donc il dit هاتي رسالة هاتي c'est à dire donne et donne la lettre écris le nom de du destinataire et son adresse sur le côté à la janib Al-Aïsar, le côté gauche, fi A'la Risala, en haut de la lettre. C'est-à-dire, écrit le nom de l'expéditeur, du destinataire, et son adresse, sur le côté gauche, en haut de la lettre. En Ouen, c'est le titre. On va dire l'adresse aussi. Nam. Salim. كم قيمة رسالة المسجلة؟ Non. Il dit quel est le prix d'une lettre recommandée. Combien elle coûte؟ ادفع ريالاً. خذي الإيصال. الإيصال. خذي الإيصال. Donc il dit paye des riales, il dit pas combien. Et prends le reçu. خذ, c'est le homme de أخذ يأخذ. خذ. Prends. الإيصال c'est le reçu. نعم. أريد أيضا توابع بريد. Donc il dit je voudrais également des timbres postales ou postaux. التوابيع في الشباك المجاور على اليمين. Ala, ma fille, elle est folle. Il dit les timbres sont dans la petite fenêtre qui est à côté sur la droite. Salim. Nam. Merci. Afin de là-bas, c'est-à-dire, désolé, je m'excuse. Vous avez une forme de politesse chez eux, je sais pas. نعم c'est une forme de jam. طيب مفهوم النص c'est un verbe qui ne vient que à l'impératif كفيكم تعالى وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين et apportez vos preuves si vous êtes véridiques et lui là il n'a pas de transformation Il est que, il vient que au homme. Il n'a pas demandé, il n'a pas demandé à l'air. Tu l'emploies que pour l'homme. Et pour une femme, tu dis Hati, Nam. Et pour des hommes, tu dis Hatu, et ainsi de suite. طيب اولا استميع وردد donc maintenant il va vous apprendre comment employer l'ada qui veut dire عند الان نعم الفرق بين عندي قلم ولدي قلم عندي قلم سي جي ان ستيلو mais il ne soit pas avec toi il faut qu'il soit à la maison ولدي قلم il est avec toi sur le moment où tu parles mais معي كما قلت معي قلم طيب لدي قلم pareil لدي رسالة donc là c'est j'ai une lettre. On dit la daïa parce que dedans, à la base, c'est la da. Et là, on a. Donc là, il s'est passé quoi? On a dû y accrocher. Il y a le mutakallim qui revient à moi. Donc ça a fait, on met une shadda sur le ya. En fait, on a deux ya maintenant. Parce que la da, quand tu l'accroches à un domir, il se transforme en ya. Tout seul, c'est la da. C'est un alif maksour. Vous voyez, un alif en forme de ya. Mais dès que tu accroches un domir, il se transforme en ya. Donc là, on va avoir deux ya. Donc on met une shadda. Thanien, la deina kitabun. Nous avons un livre. Thalithan, la deika palamun. Tu as un stylo. Rabian, la deiki haqibatun. Tu as une valise à une femme. Khamisan, la deihima durjun. Ils ont un casier. Ou tous les deux ont un casier. On dit pas la deihima. La deihima, là, pour la liaison, quand il y a un ya devant, c'est comme fihi. Tu dis pas fihu. C'est dit, tu peux le trouver dans une langue, tu peux le dire. Vous voyez, dans le Coran, c'est venu alayhu. Mais le mieux, là, à ce stade-là, c'est, tu penses qu'il est connu chez les gens. Quel verset il y a alayhu? C'est dans le Fath. Soit le Fath. Ah, il y a un verset où il y a alayhu. Non. La deihima durjun. Normalement c'est la deihuma. Mais là pour la liaison entre le ya et le ha on le met une kasra. Sadisan. La deihim seyyaratun. Ils ont une voiture. La deihinna mektabatun. Elles ont une librairie ou une bibliothèque. Thaminan, la deikuma hafilatun. Vous avez tous les deux un bus ou un car. Tasian, la deikum bikola. Vous avez une épicerie. Ashiran, la deikunna barqiyatun. Vous avez, en parlant des femmes, un télégramme. Donc il dit Thaniyan. حاول كما في النموذج لدي رسالة أريد إرسالها donc la même phrase en dessous entre parenthèses en dessous entre parenthèses mais نحن donc il veut que vous fassiez la même phrase avec les damaïr qui sont exposés en dessous نحن مثلا comment tu vas dire لدينا رسالة نريد إرسالها طيب ما أنا Bah, c'est facile, il est déjà à la base. On va changer la phrase. La deya mushafun uridu nahfaza. مصحف ميم صاد حاء فاء أريد حفظه عفوا لدي مصحف أريد حفظه حفظ كي المصدر حافظ يحفظه نعم طيب ثانيا مع نحن عندك داود لدينا لا لا لدينا نعم لدينا لدينا مصحف. لدينا مصحف. أريد. نريد. نعم نريد إحفاظه. حفظه. حفظه. نعم. ثالثا أنت. لديك مصحف تريد حفظه. نعم. رابعا. أنت لديك مصحف أريد تريدين نعم تريدين حفظه حفظه خامسا أنتما لديكما مصحف تريدان حفظه نعم سادسا أنتم لديكم نعم لديكم مصحف مصحف يريدون لا أنتم تريدون نعم حفظه أيوة أنتن أنتن لديكن مصحف تريدن حفظه نعم ثامنا هو لدى لدي تقدمي متصل كان يا هو لديهم ما يمنعوا بمتن دماء ما تي ودي سي بان دماء سي سي كو كومون تو دي في اي هو لديه ايوه لديه مصحف يريد يفضل تاسعا هي لديها مصحف تريد حفظه تريد حفظه نعم هما هما لديكما أيوة تسعة لديكما مصحف تصيهما سيبا أنتما سيبا غائب لا لديهما لديهما لديهما لو هاي دفن كسرة لديهما مصحف أريد الحفظ لا يريد لا هما كيف تقول يريداني نعم يريداني حفظه نعم منصي هما وضفهم انتبه هما لديهما مصحف يريدان دفن الغائب المؤنث كيف تقول لا كم تريد هي تريد أو تريدان أيوة تريدان لديهما مصحف تريدان حفظه نعم هم لديهم مصحف يريدون نعم حفظه هن لديهن نعم هن لديهن مصحف تريدن حفظة. Sauf que là, si tu mets ta, là, c'est vous. Ouais, donc là, tu peux laisser lire. Allez. C'est pas comme le Mufrad. Le Mufanna. Thalithan. Ça, c'est ma faune. Alhamdulillah. Thalithan. Akmil jumlat al-atiya bi istirmali ma bayna qawsayn. Ba min al-qawsayn. Donc, complète tes phrases ou la phrase suivante en utilisant ce qu'il y a entre parenthèses. يقول لدي رسالة أريد إرسالها. Et cette phrase là, quand tu dis ça, elle équivaut à dire quoi? لدي رسالة أريد إرسالها. C'est le même sens. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Je sais. Non. En tout cas, vous maintenant, vous avez trois mots à ajouter dans la phrase. À mettre dans leur place. Ada, lak, tfaddal, en. Les trois mots là, bilbarid, en musadjal, il est le hind. Tu dois les placer dans la phrase. Ladaya, risalatu. Salatun. Risalatun, musadjil. Là. Pourquoi? J'ai une lettre recommandée. Là. C'est pas ça, c'est pas là qu'il faut le mettre. Il a pas dit Moussadjela. Donc je vois bien que le Moussadjela ne correspond pas avec le Salah. Le Salah, les Mouannas, le Moussadjela et le Moussadkar. Ça va pas aller ensemble. Nadaya, Risalatun, il est le Hindi. لا لدي رسالة بالبريد لا عبد الرحمن لدي رسالة أريد إرسالها بالبريد المسجل إلى تو سامبلومون ما هي rien de difficile mais il Je comprends pas, j'ai pas compris l'exercice là, en fait. Il faut rentrer les mots dans la phrase. Bah ouais, mais faut tous les rentrer là. Bah ça y est, le fait Abdelrahman. Franchement, j'ai. La daya al salatun ou ridou c'est la habil barid el moussadjel, il est le hind. Il y a un dieu. J'ai pas compris le but de l'exercice là. C'est mettre là, ces mots là dans une phrase. Ouais, cette phrase-là. Je sais pas, il n'y a rien de. Ah ouais, c'est toi qui es parti loin, il n'y a rien de dur. Il n'y a rien de compliqué. C'est comme si je te dis une chaise, assieds-toi, et toi tu cherches à aller. Assieds-toi juste sur la chaise. Il n'y a pas de piège. Juste ces mots-là, tu les places dans la phrase. Et à final, ils se retrouvent tous les uns à la suite de l'autre dans la phrase. Ouais, mais c'est quoi le but? Bah, ça prouve que tu as compris la phrase. Et tu sais comment placer ces mots. Moi je pense que tu as compris, mais tu es parti loin. Tu t'es rendu la chose difficile. Plus difficile que neuf. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Rabi'an, rattib al-kalimat al-atiya li tukawwin jumalan mufida. Donc, toi tu dois ordonner les mots suivants afin de faire une phrase mufida qui a un sens. Ce sera fil bayt, inshallah. Donc là tu as des mots désordonnés, il faut que tu les classes. Tu les mets dans l'ordre afin d'obtenir une phrase droite, une phrase qui a un sens. Awalen, Risala, la lettre, Qima, le prix ou la valeur. Kam, combien? El Moussadjala. Donc avec ces quatre mots-là, tu fais une phrase. Thanien, Eshubbek, Fi, Attawabir, El Moujawir. Moujawir, c'est-à-dire. Il est dans le tableau au début. C'est à côté. ثالثاً رسالة لدي مسجلة رابعاً خمسة ادفع ريالات خامساً أريد رسالة أرسل أن تركيا إلى سادسا كتبت المرسل أيضا اسمه هل سابعا الطابع مصيبة طابع سبيا مفرد طوابع تمام أعلى الأعلى ضع الجانب ثامنا العنوان الجانب على كتبت الأيسر vous avez cette phrase à faire et il y a aucun mot à ajouter c'est tout cela c'est juste les mettre à leur place bismillah Même vous avez les harakat à la fin des mots qui vous aident à les placer. Pour celui qui a rakaz, qui se concentre bien, des fois il a un problème, il ne sait pas où mettre. La harakat peut l'aider à trouver la place. Taïeb. Deuxième partie, ikra. Il met le kalimat jadida. Merkaziyun. Central. Tazjil. C'est. Un enregistrement, c'est le mazdar de Sajjala ou Sajjilo, Tazjil. Ils ont dû le mettre en troisième, au lieu de le mettre en premier. Le verbe qui est après Sajjala ou Sajjilo, son mazdar c'est Tazjil, qui veut dire enregistrer, noter, plein de choses. Leur but c'est faire un courrier recommandé. S'inscrire aussi. Dafa'a yadfa'u, maman la dafa'a yadfa'u. Payer, mais là c'est payer. Et si tu dis le DAF, DAF c'est Mazdar. Non. Si tu dis DAF avec le TAJ, il va comprendre DAF. Comment tu veux le dire? Le DAF c'est quoi le prix en fait, DAF, tu dis pas DAF. Tu dis quoi enfin, le prix. DAF c'est payer, c'est pas le prix. Ah, le prix c'est SIAR ou THAMEN ou QIMA, comme on l'a dit. D'accord. Sire. Sire. Taïb, ça accroît le nas. La foule qu'il y met ? Non. Wassala Salimun wa Ibrahimu ila maktab al-baridi al-merkazi. Donc, Salim et Ibrahim sont arrivés à la poste centrale. قابل سليم موظف البريد. Donc Salim a rencontré l'employé de la poste. وطلب منه أن يسجل له رسالة. Et il désira de lui, vous voyez, qu'il enregistre, on va dire plutôt qu'il fasse recommander pour lui, pour une lettre. Qu'il lui fasse recommander d'une lettre. Là, c'est ce qu'il veut dire par Sajjala. Vous voyez, qu'il lui fasse une lettre avec quelques réceptions. Akhadha muwazzaf al-baridi qimata at-tasjil wa tayyib. Donc l'employé de la poste a yani on va dire a pris le prix du recommandé, ou sa valeur, l'argent qu'on qui revient à recommander. Wa a'tahu isalan bidhalika. Il lui a donné un reçu pour cela. A'ta, c'est donner. A'ta yurti, ça veut dire donner. A'tahu, il lui a donné. Isalan, un reçu. Bizalika, pour cela. Une preuve qu'il a bien fait un courrier recommandé. Ishtara Salimun tawabi'a baridin bi khamsati riyalat min shubbaki al-mujawir. Donc Selim a acheté des timbres postaux pour 5 riyals dans la fenêtre qui était à côté. Mashallah, c'est pas cher, mashallah. C'est pas cher, non, mashallah. 5 riyals saoudi, c'est pas 5 riyals yéméni. C'est pas la même valeur. Je crois que 1 riyal saoudi, ça fait 50 riyals yéméni. يقول أولا أجيب الأسئلة الآتية donc là vous aurez à répondre aux questions أولا هل ذهب سليم إلى مكتب الهاتف Ou il est maktabi al-barid. Donc est-ce que Selim s'est rendu au poste de communication de téléphone, on va dire, ou à la poste? Et la hatif, c'est le téléphone. Thanyan, لماذا ذهب سليم الى مكتب البريد? Pourquoi Selim s'est-il rendu à la poste? Thalithan, هل رسالة سليم بالبريد العادي او بالبريد المسجل? Est-ce que la lettre de Selim est par le courrier normal ou par courrier recommandé? رابعا, كم ريالا دفع سليم قيمة للتسجيل? Donc combien a-t-il payé en réel, ou Selim combien Selim a payé en réel la valeur de l'enregistrement du recommandé? خامساً بكم اشترى سليم التوابع? Donc combien a acheté, ou pour combien a acheté Selim de timbres? Ou taxiphone, ou un lieu. Non, ça peut être aussi là où tu payes les factures de téléphone. Parce que taxiphone, c'est tisolat, comme ils disent. Hatif, c'est bon. Téléphone. Mafoumada? طيب هذا لي غادي ان شاء الله وانتهينا من الدرس الثاني عشر بفضل الله والحمد لله رب العالمين.